Voilà, il est 22h08, vous vous trouvez donc avec Bande à part, l'émission du rock progressif. Comme toutes les semaines, tous les mardis de 22h à 24h, vous avez droit à une collection monstrueuse de rock progressif, si j'ose le dire. Et ce soir, une émission spéciale, comme tous les mois, avec l'invité d'honneur, avec un grand I et un grand H, Thierry Sportouche, co-rédacteur du magazine Harmonie, puisqu'il faut le présenter comme il faut, également auteur de la page musicale dans la revue lyonnaise Aube. Voilà, je pense que j'en ai assez fait pour le moment, Thierry, tu... Ah, t'as encore oublié quelque chose, rédacteur en chef d'Acid Dragon, voilà. La taratataire. Voilà, et aussi Dragon. Auteur du petit fascicule Poésie Progressive. Voilà, bon, Poésie Progressive, qui, je le rappelle, permet de comprendre ce que disent nos chers musiciens dans le rock progressif. C'est quand même intéressant de savoir ce qu'ils nous racontent. Voilà, donc ce soir, un magnifique, comme d'habitude j'allais dire, c'est un peu prétentieux, un magnifique programme, on va se balader un petit peu partout. Et je vais commencer tout de suite par un tout petit préliminaire, un tout petit prologue. Simplement, c'est un clin d'œil et je pense que les gens comprendront facilement. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que le rock progressif est une, comme le rock tout court, est une musique de métissage. Alors ce soir, on va se promener un peu partout dans tous les pays. Alors, tous les gens qui auraient des tendances un peu xénophobes, eh bien, ils peuvent éteindre leur poste de radio ce soir, tout de suite, sans perdre une seule minute. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Et je pense maintenant, on va laisser un peu de côté la politique pour parler tout de suite musique. Alors musique, donc, on va se promener un peu partout. On va se promener en Allemagne, on va se promener en Angleterre essentiellement. En France aussi, en Italie. Et quoi d'autre encore? Je regarde fébrilement ma liste et mes disques sous les yeux. L'Allemagne, l'Italie, je crois que c'est à peu près essentiellement le programme de ce soir. Alors, qui, quoi? Alors, il va y avoir tout de suite enchaîné le magnifique, j'insiste lourdement, le magnifique Eloy. Eloy vient de sortir un album. Et oui, ce groupe qu'on croyait enterré mort, et il est toujours vivant. Malheureusement, il n'y a plus que deux personnes, Frank Borman, qui est le chanteur, guitariste et compositeur du groupe, et un tout nouveau batteur. Mais ils sont deux, mais ils jouent comme cinq. Et c'est absolument fantastique le son de cet album qui s'intitulera, et qui est, je n'ai pas peur des mots, je les pèse, très proche du dernier Floyd. Ouais. Avis aux amateurs. C'est donc une nouveauté 88. Je voulais préciser également que le morceau qui nous a servi d'introduction à l'émission, c'était également une nouveauté 88. Puisque c'était un extrait du premier album, on pourrait bien dire, de Three, qui est en fait les transfuges de Emerson, Lake et Palmer, hein, présenté comme c'est ça, ça va. C'est Lake qui est parti, mais il y a toujours Emerson et Palmer est revenu. Voilà. Il a remplacé Powell. Voilà, exactement. En gros, c'est alors, ça. L'album était intitulé, il est toujours d'ailleurs, ouais. To the Power of Three, et le titre du morceau, je l'ai oublié, je suis désolé. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il est dédié, comme le dernier album de Marillion, à Tony Stratton Smith. Alors, Tony Stratton Smith, s'il faut le rappeler très brièvement, c'est le fondateur du fameux Charisma Label, ce label de progressive par excellence, qui a soutenu donc les Genesis, les Vandergraaf Generator, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, c'était ce producteur est décédé l'année dernière. Il était très proche de ses musiciens, c'était vraiment un des soutiens, un des fans du rock progressif. Voilà, bon, j'arrête tout de suite mes palabres pour passer directement à Eloy. Eloy, le titre, c'est Voyageur of the Future Race. Alors, c'est donc le voyageur, non pas de la future race, mais tout simplement de la course dans le futur. Le parapente. Nous envoyons Léon en toute sécurité, c'est possible, à Champs-Rousse. Air Action vous propose des stages de parapente tout niveau, formule journée ou week-end. Avec Air Action, vivez le frisson des grands espaces. Pour plus de renseignements, téléphonez au 76 89 95 95, 76 89 95 95. Voilà, il est 22h20 avec Bande à part. Vous écoutez toujours Le Progressif sur Radio Brume 95.5, la radio étudiante de la région lyonnaise, avec ce soir, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 10 minutes, Thierry Sportouche, monsieur érudit rock progressif avec encore une fois des majuscules. Alors on vient d'entendre Eloy, qui est un groupe allemand à l'origine, je le répète. Et c'est un très ancien. Ouais. Alors je rappelle pour ceux qui en auraient, qui en connaîtraient un peu, surtout les albums récents. Il m'est arrivé d'en passer quelques fois des extraits de l'album Metromania. C'est beaucoup plus beau. C'est une, c'est une opinion personnelle. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'ils ont fait avant. Voilà. Tu veux parler de cet album là. Voilà. Cet album. Je partage totalement ton opinion. Là, on retrouve tout à fait le grand Eloy de Silent Cries and Mighty Echoes, par exemple, hein, qui était sorti chez Harvest à l'époque. Et très floydien, mais vraiment très fin, bourré d'inspiration. Donc c'est une heureuse surprise, et c'est une surprise à soutenir, parce que les sorties sur un tout petit label. Effectivement, avant il était sur Harvest, ensuite il était passé sur Heavy Metal Records, si je dis pas de bêtises, et là donc un tout petit label allemand, donc presque comme un groupe débutant. Donc c'est un album en plus qui est beau d'un bout à l'autre. Le morceau qu'on vous a fait écouter là n'est qu'un échantillon, mais tout le reste est dans ce même tonneau. Voilà pour cette première nouveauté. Il y a une deuxième nouveauté que j'ai pas apportée parce que c'est tellement évident, ça se trouve tellement partout. Je me suis dit quand même, ils vont bien faire un petit effort pour aller l'écouter ou l'acheter. C'est le dernier Rush. Dire comment Roche, ah bon, c'est du hard, gna. Bon, ben, je suis pas d'accord. D'abord, Roche a toujours été un groupe de hard très particulier, très à part, qui mariait les amours de Led Zeppelin avec celle de Yes. Et le tout dernier est vraiment absolument fantastique. Pochette rouge avec trois points rouges, Hold Your Fire, c'est le titre. Et les morceaux sont courts. C'est pas des morceaux très longs comme ils faisaient dans le temps, mais c'est d'un véritable dentelle très fin avec des claviers juste où il faut au bon moment, une batterie très aérienne, une guitare très inventive. C'est un album que j'écoute en ce moment partout, dans ma voiture, dans mes toilettes, un peu partout, donc que je recommande fortement. Bon, je l'ai pas apporté ici parce que c'est vraiment facile à trouver, c'est connu, hein. C'est pas le but de l'émission, le but étant de faire connaître plutôt des choses qui passent un petit peu inaperçues parce que bon, elles sont étrangères, elles sont mal diffusées. Voilà pour la deuxième nouveauté. Bon, la troisième c'était Free, donc on a entendu avec plaisir tout à l'heure. Et donc la quatrième nouveauté, ça va être Sandrose. Alors Sandrose, c'est une nouveauté Musea, une réédition Musea. Alors Sandrose, qui c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un album qui est sorti en 1972, c'est-à-dire à l'époque de Caricature de Ange, pour situer les choses. C'est un album où figurent deux musiciens qui ont fait parler d'eux ultérieurement. Le guitariste Jean-Pierre Alarsen, qui a fait beaucoup d'albums solo et qui a participé à des albums d'autres personnes, tels que Michel Zacha, par exemple. Mais on pourrait citer aussi plein d'autres participations prestigieuses, ne serait-ce qu'avec Béranger, c'est François Béranger. Donc Jean-Pierre Alarsen, qui est là à la guitare et qui va s'en rendre compte tout de suite, qui fait absolument des merveilles sur cet album. Deuxième personne qui se distingue ou qui se distinguera plus tard, c'est la chanteuse. Pour ceux qui ont un petit peu l'oreille, ils vont dire « Mais bon, sang de bonsoir, cette chanteuse, cette voix, ça me dit quelque chose. » Mais oui, c'est bien sûr Africa. Et oui, Rose Laurence, c'est effectivement Rose Laurence qui chante sur l'album de Sandrose. Alors évidemment, avec un son un peu moins variété, mais avec un timbre de voix très intéressant. Alors vous allez me dire, tout ça à mélanger, qu'est-ce que ça peut donner ? Eh bien, ça donne quelque chose, paradoxalement, ça donne quelque chose très crimsonien. On jurerait Crimson de 69, In the Court of the Crimson King. Le morceau d'ailleurs qu'on va vous passer, on jurerait un morceau pirate de l'époque. Même phrasé à la guitare, même mélotron enveloppant, même démarche symphonique, enfin tout y est. Et en plus c'est français et ça date de 72. Je voulais juste faire une remarque. Heureusement que tu as dit que c'était Rose Laurence, parce que quand on regarde la pochette, c'est Rose Podvojny. Oui, bah c'est son nom évident. De famille, et elle a pris un pseudo après pour faire carrière dans la chanson. Voilà, bon, j'avoue mon ignorance. Voilà, crasse, bah, on était tous pareils, il faut le savoir. Hein, mais après, quand à l'écoute, on se dit, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Encore que le morceau là, je vais être un peu traître, mais le morceau qu'on va entendre est uniquement instrumental et on va pas l'entendre chanter. Mais bon, ceci dit, si vous êtes bien gentils, si on a un petit moment dans l'émission, on fera écouter un morceau chanté. Hein. Voilà, donc cet album enfin réédité par Musea, disponible un peu partout, il suffit de le réclamer, et vraiment essentiel à tout amoureux de rock progressif français, et même rock progressif point, tout court. Voilà, moi je voulais signaler également que pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Musea, puisqu'on en parle actuellement, vous avez deux possibilités, deux grosses, c'est de téléphoner, là en ce moment, là on est deux, on est prêts, tout libre, grands ouverts du côté des oreilles, au 78 89 45 05, et vous avez également la possibilité, grâce au superbe Minitel, j'oserais une fois de plus le dire, en tapant 3615 code Brume FM, et puis vous avez BAP plus envoi, c'est le mot-clé de l'émission, BAP pour Bande à part, très simplement, Bande à part, l'émission du rock progressif. Alors je vais arrêter de tchatcher parce que je vois que Thierry se planque dans son coin, qu'est-ce qu'il raconte, c'est ahuri. On va tout de suite passer à Sandrose et puis pas en dire plus, je pense. Thank you. Ça se termine très très vite et de façon assez abrupte, j'avoue, il faut bien le dire. Alors, tous les albums de Robert Fripp d'ailleurs, hein, voilà. Vraiment la patte là. Hein. On va parler maintenant, je pense que c'est le bon moment, de tout ce qui est écrit, c'est-à-dire la presse écrite autour du rock progressif, puisque je l'ai dit et répété, la principale particularité, sans vouloir être vexant de Thierry Sportouche, c'est que c'est un maître S. Harmony. Donc Harmony, magazine du rock progressif, il me semble même sous-titré du monde entier, du rock progressif du monde entier, quelque oui, chose comme ça. On n'a pas de barrière. Voilà, ce qui indique un peu ce qui a voulu être fait. Donc pourquoi on en parle? Et ben c'est très simplement parce qu'un nouveau numéro vient de sortir. Si je ne m'abuse, c'est le numéro 6. Tout à fait. Voilà. Un numéro 6 vient de sortir avec au menu un spécial Allemagne. De même que le numéro 5 était un spécial Japon, le numéro 6 est un spécial Allemagne. Avec non pas des articles sur Grobschnitt, Novalis, Triumvirat, tous ces grands groupes allemands ou Eloy que l'on connaît bien, mais plutôt des petits groupes allemands qui font aussi la vivacité de la scène germanique et aussi des groupes en même temps qui sont contemporains, c'est-à-dire des années 80. Alors il y a bien sûr des groupes qu'on a passés ici plusieurs fois, je pense à Neuschwanstein, je pense à Eden Taste, je pense aussi à Burning Candle, je pense à Anabis, à Amenophis, à tous ces groupes qui peu ou prou ont eu un droit d'antenne ici ou au moins ont eu une appréciation. Donc voilà, donc tous ces groupes sont listés, répertoriés par ordre alphabétique avec un disque et situés et critiqués. Voilà, après donc une présentation tour d'horizon faite par Francis Gross. Ça c'est une partie du journal. Ensuite, bon, bien sûr, on retrouve les informations habituelles, les chroniques de disques habituelles. Ça n'a rien de miraculeux là-dedans, avec d'ailleurs les chroniques du dernier Eloy. Il y a des nouvelles brèves du Japon, où on apprend plein de nouveautés au niveau des groupes qui apparaissent. Il y a des musiciens transfuges de Novella ou de Mr. Sirius, qui ont formé plusieurs super grands groupes, dont un qui s'appelle Vienna, qui a l'air superbe, et qui va rentrer en studio. Voilà, du côté du Japon. Des nouvelles d'Italie avec, alors là, j'insiste très très fortement, la percée d'un nouveau génie au niveau du rock symphonique, c'est Ezra Whiston. Ezra Whiston vient tout juste de sortir, de mettre en boîte un album, et de l'avis de tous les amateurs qui l'ont écouté, c'est du niveau Banco PFM. Alors attention les oreilles, cet album sera dès sa sortie disponible auprès de Musea, donc je vous rassure tout de suite, c'est un album qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Voilà, en gros, un sommaire, enfin en gros. Il y a encore beaucoup de choses, hein. C'est un numéro qui est très très dense, ouais. On a écrit tout petit, de façon à rentrer le maximum d'informations. Il y a des informations sur le nouveau Quasar, puisque Quasar va sortir un deuxième album. Il y a des informations, un article sur Edels, qui a sorti, ou qui incessamment va sortir un album chez Musea. sur Ezra qui met en boîte également actuellement un album, Ezra, le groupe de Morteau, hein, je rappelle. Voilà pour les informations, les reportages. Donc oui, et puis les chroniques de disques, et puis bon, il doit y avoir encore autre chose qui m'échappe, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà en ce qui concerne pour Harmony. Voilà, oui, je voulais dire donc encore une fois un gros pavé dans la mare du rock progressif. Et puis évidemment il y a encore autre chose. Alors je vais me prendre un petit temps de parole parce que Thierry a beaucoup de tchatch comme on dit, pour parler d'un mini magazine sans tout petit quoi, mini mais bien. Hein, et sympathique. Voilà, mini mais gentil. Puisqu'il s'agit de la deuxième newsletter de Bande à Part, hein, ça fait la newsletter, ça fait des ah oui, non, mais elle est très pro, hein, faut dire ce qu'elle est, traitement de texte, présentation, articles de fond. Moi, je me suis vraiment régalé. Voilà. Et c'est gratuit. Voilà, je me suis éclaté comme une brute, c'est beau, hein. Bon, côté, ça fait beaucoup moins amateur que la première pour ceux qui ont la joie de la voir. Parce que je me suis embêté avec une imprimante laser et tout ça. Enfin bon, le nec plus ultra de la technique, comme on dit, au service du rock progressif. Alors, le sommaire, j'en avais parlé déjà, vite fait. On a parlé de puzzle, j'ai parlé de Comedy of Errors. Thierry a parlé de Triumvirat, de Novella, qui est un groupe japonais, on l'a dit à l'instant. C'est Roland Rock, je crois, qui a fait Bon, c'est encore un pote. Voilà. Je voudrais te poser une question, je te coupe. Là, est-ce qu'on aura droit, puisque bon, l'émission, malheureusement, va se terminer fin juin, est-ce que d'ici fin juin, on va avoir le plaisir, l'honneur et l'agrément d'avoir un numéro 3? Alors, ça, c'est le genre de question piège. Normalement, oui. Ah. À la Normande, je dirais peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais disons que l'envie ne manque pas, le temps manquera peut-être, mais l'idée est là. Bon, deuxième question qui me vient à l'esprit, qui intéressera les auditeurs, donc le serveur Minitel de Brume FM à code BAP est tout à fait intéressant et utile, avec donc, je l'ai compulsé plusieurs fois moi-même, hein, avec toutes ces séries d'adresses précises, nettes et claires sur une trentaine de groupes, hein, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça, en gros. Voilà, donc bon, qu'est-ce que va devenir tous ces précieux renseignements à la fin de l'émission de Bande à Part? C'est-à-dire, est-ce que pendant les vacances et à la rentrée, est-ce que ça va exister toujours ou est-ce que ça va disparaître? Eh ben là, j'avoue, c'est les mystères de la technique du Minitel. A priori, ça devrait rester un moment. Si ça disparaît de l'écran au départ, parce qu'au départ, l'émission est accessible depuis la grille des programmes, le mot-clé BAP devrait toujours être là. Mais a priori, je pense qu'au moins les adresses resteront. Les adresses et puis les présentations des différents magazines. Je pense que de ce côté-là, c'est pas un problème. Ça changera d'appellation. D'appellation, d'accord. Quoi, au départ. Oui, parce que c'est vraiment très précieux, hein. Ce serait dommage que ce soit gommé. Alors j'en profite pour signaler à nos auditeurs qu'il existe un autre Minitel branché rock progressif. C'est le Minitel de La Farce. Alors La Farce, c'est l'association des fervents amoureux du rock symphonique qui est basée au Mans, autour de Franck Hédon. Et ils ont monté aussi un petit Minitel, un petit serveur qui est plus modeste mais qui rend aussi beaucoup de services, puisqu'il y a un service d'annonce, de petites annonces, un service d'info, de Telex, dernière minute, etc. Alors pour rentrer sur cette sympathique base de données, il suffit de faire le traditionnel 3615 et ensuite Cluba comme club, c'est L-U-B-A, étoile, si on veut, à farce. On fait Cluba et ensuite on appelle nom de code à farce. Voilà, donc c'est, je pense, intéressant pour les progressive maniaques. Il y a aussi une boîte aux lettres, on peut rencontrer des gens autour du rock progressif. Voilà, sinon je vais continuer une petite digression à partir de la newsletter, puisque j'ai dit qu'au sommaire de ce numéro, on parle de Puzzle. Puzzle, qui je le rappelle, est un groupe lyonnais. Et ils vont pas venir en concert, il me semble. Voilà, c'est donc le but du pourquoi, du parce que je dis ça. C'est-à-dire que le samedi 7 mai à 21h, Puzzle est en concert pour 2 heures de bonne musique. Là, je peux l'assurer, j'ai été les voir à répétition. Il y aura 2 heures complètes infernales. Super. À ne pas rater. Ah oui, ils ont une pêche d'enfer en ce moment. Donc c'est au bar restaurant La Table de Jugurta, 80 rue de Montesquieu, Lyon 7e. Voilà, tout ça, si vous avez oublié, si vous n'avez pas réussi à le noter, c'est également dans le Minitel de Radio Brume, 3615 plus Brume FM, à la rubrique concert, évidemment. On va peut-être continuer avec un autre magazine. Je vais terminer 2 petites choses sur Harmony. Ne foncez pas chez les revendeurs habituels. Il n'est pas encore en dépôt. Hein. J'ai pas encore reçu le colis de M. Jean-Claude Grandjean. Donc patientez un petit peu. Mais dès que je l'ai, c'est promis, il sera en dépôt. Donc dans les points de vente habituels. Une petite parenthèse aussi, c'est une nouveauté, c'est un scoop aussi, je crois, qui fera plaisir à beaucoup de Lyonnais. J'ai réussi enfin à trouver un disquaire qui veuille vendre les productions Muséa. Enfin, quelqu'un sur Lyon vendra systématiquement tout ce qui est produit par Muséa, aussi bien le progressif que le côté magma. Et si tout marche bien, alors là on compte sur vous, si tout marche bien également aussi les importations, tout ce qui est sur le catalogue, les productions indépendantes, etc. Alors je le cite, c'est pas pour faire du copinage ou de la publicité, c'est une information strictement informative, c'est Bouledingue, donc Bouledingue, la fameuse boutique qui se trouve à côté du palais de justice, qui est déjà dépositaire d'Harmonie, de Poésie Progressive et d'Anoxie. Donc là il fait un effort, la balle est dans votre camp, donc tout ceci, il faudra avoir un peu de patience à partir de septembre. Avis aux amateurs. Voilà, je pense que ça serait une adresse à ne pas oublier, puisque je pense que ça rebute beaucoup de monde d'écrire. Hein. C'est vrai que c'est pénible. Oui, c'est vrai. Et puis là, bon, on peut trouver, écouter, échanger. Il est sympathique, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, c'était intéressant de trouver, enfin, dans un bac. Il y aura un bac spécial progressif, comme il existe actuellement, mais nouveauté progressive. Alors, on y trouvera Enchantement, Sandrose, on y trouvera Beaufaux, etc., etc. Voilà pour ce qu'on y trouvera chez Bouledingue. Et on trouvera, bien sûr, Admirer la transition, Acid Dragon. Voilà, je voulais également rappeler encore une fois le numéro de téléphone pour avoir des renseignements complémentaires, c'est le 78 89 45 05. Et puis, donc Thierry, tu vas nous parler d'Acid Dragon et on enchaînera tout de suite après avec un album d'un groupe anglais, Burn Essence. Oui, qui a fait deux albums, c'est son deuxième album. Burn Essence est un groupe très crimsonien qui a volontairement mis Sandrose avant Burn Essence. Parce que bon, Burn Essence serait plutôt Crimson époque actuelle, alors que Sandro, c'est plutôt Crimson époque ancienne, de c'est-à-dire 69-70. Bon, Acid Dragon en trois mots, donc on vous l'a, il va sortir, je pense, début mai. La maquette est terminée, il reste plus que l'impression à faire. Alors, Acid Dragon, quelle différence y a-t-il entre Acid Dragon et Harmonie? D'abord, le premier numéro va être gratuit. Gratuit pour le lancer un petit peu, pour voir quelles sont les personnes intéressées. Deuxième différence, entre guillemets, il est bilingue, c'est-à-dire que le rock progressif et le rock en général, c'est une musique qui est écoutée par beaucoup de personnes, et pas nécessairement seulement qu'en France, on a pu l'écouter, le voir, le constater sur ses ondes. Et en plus, et surtout, le rock progressif, comme le rock en général, c'est une musique qui s'exprime en anglais, d'où la nécessité de parler en anglais. Moi je sais que j'ai souvent été frustré à feuilleter Marky Moon ou Marky tout court, la revue japonaise de la prestigieuse, la fantastique revue japonaise de Progressive, mais qui est écrite